Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Harold Barbet. Salut Sofiane, comment ça va? Ça va super, merci et toi? Bah écoute, ça va bien, ça me fait très plaisir de te parler, d'être dans ton podcast. Merci de l'invitation. Ben avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie de l'avoir accepté, le plaisir est partagé. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh bah tu sais, il y en a toujours, hein. On a toujours des bonnes anecdotes comme des mauvaises. J'en ai une qui me revient souvent à l'esprit. C'est la première fois que j'ai fait la première partie de Blanche Gardin en 2016. J'étais à l'Européen, tu vois. Donc l'Européen, c'est 350 places à Paris. C'est la première fois que je jouais là-bas, tu vois. C'était en première partie de Blanche. Alors elle était connue, mais pas encore. C'était pas encore la Blanche de maintenant ou voilà. Et c'est la première fois que je faisais la deuxième fois que je faisais sa première partie. Et je fais mon texte. Et à un moment, je l'oublie. Et du coup, tu vois, il y a un gros break. Enfin, tu vois, je fais une blague. Enfin, je pose une punch. Là, les gens rient. Et je sais pas quelle est la suite. Et je fais une petite mimique. Et les gens pensent que je rebondis, en fait, avec cette mimique sur ma punch d'avant. Donc, ils commencent à applaudir. Et ils ont trouvé ça génial, ce moment de silence. Et après, j'ai retrouvé mon texte. Je suis reparti. Mais après, on m'a félicité en me disant hey, le moment de silence que t'as, c'était incroyable. Et moi, je suis merci. Et en fait, j'avais juste oublié mon texte. Oh, mais c'est une anecdote en or, celle-là. Ah ouais, et c'est voilà. Donc, et après, j'ai pris l'habitude de faire ce moment de break parce que les gens trouvaient que c'était bien. Mais ça n'a jamais été aussi bien réussi que quand j'ai oublié mon texte parce que c'était tellement involontaire. Si tu veux, et dans ma tête, si tu veux, je faisais durer le truc et je voyais les gens applaudissaient et j'avais envie de mourir. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et les gens étaient comme des dingues. Et voilà, je crois que c'est vraiment le moment parce que c'est clairement si t'es là, j'ai oublié mon texte en première partie de Blanche Gardin à l'Européen. T'en refais aucune derrière des premières parties, tu vois. C'était vraiment, j'étais vraiment sur la corde. Ah oui, c'est normal. Mais ça montre encore une fois la magie de l'improvisation parce que quand tu sors une impro magnifique, si tu essayes de la refaire le lendemain, elle ne marche pas. Non, je suis d'accord. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ton cerveau, quand tu es comme ça sur scène, alors je sais pas si on peut dire en état de stress ou poussé par l'adrénaline, il va beaucoup plus vite que de coutume, tu vois. Et je sais pas si par exemple ça t'a déjà fait. Tu joues un set et tu vois que ça ne marche pas super. Et ben ton cerveau de lui-même, il va sauter certaines blagues parce qu'il sait qu'elles marcheront pas. Mais je sais pas si ça te l'a déjà fait ça. Oui. Ben dans ces moments-là, en fait, tu analyses et tu dis alors attends, ça a pas marché. C'est sûr que ma blague dans deux trois blagues là, il y en a une qui marchera pas. Mais donc oui. Je vais l'accepter. Ouais. Mais t'imagines à quel point ça va vite dans ta tête juste pour que ton cerveau il fait tout seul et toi tu parles en même temps. Donc c'est là où tu sais on dit souvent qu'on n'utilise pas. Pas du tout le potentiel total de notre cerveau, et ça c'est clair. Si on réfléchissait comme ça, c'est fou. Le cerveau est une machine extraordinaire, et clairement, il y a des moments où il te laisse, tu sais, il se met en autopilote pour que tu puisses dire ton texte normal et que ça se voit pas. À l'intérieur, tu es en mode DJ, genre attends, on met pas celle-là, non, les slow, c'est pas le moment, tu vois, hop, et tu sautes. Ouais. On est tous pareils à ce niveau-là. C'est un mode survie, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un mode survie. Mais il est également présent dans les moments de où tu cartonnes. Tu es là, tu es dans un passage où tu sens où tout passe. Tu marches sur l'eau et bam, tu vas trouver une punchline en plus que tu n'avais jamais écrite avant. Tu vas te dire, je suis chaud, je vais rajouter des trucs que tu n'avais pas prévu de dire. Et tout passe. Et ton cerveau, il est là, il délivre. Et il y a vraiment... c'est ce qui fait la magie, en fait, de ça, d'être humoriste, c'est que tu sais jamais comment ça va se passer. Enfin, tu sais jamais, c'est un peu vrai, et comme c'est pas vrai. Parce que moi, par exemple, je sais pas si toi, ça te le fait, mais quand je vais monter sur scène, le moment avant, tu vois, quand tu montes les 2-3 marches qui te mettent sur scène, je sais si ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer. T'as ce truc qui est là. Moi, j'irai pas jusque-là, j'ai déjà vécu ce genre de choses, mais à condition qu'il y ait eu d'autres passages avant moi, tu vois. Ouais. Voilà, mais toi, c'est-à-dire toi, tu es capable de ressentir ça, même si c'est ton spectacle à toi et qu'il n'y a pas eu de première partie. Ouais. Ah, c'est waouh, c'est bien. C'est une espèce de sixième sens, quoi. Mais je pense qu'en fait, je me crée ça tout seul. C'est surtout en fait, tu vois, c'est surtout ça. Je pense que quand j'arrive, toujours les gens quand tu arrives sur scène, ils sont forcément avec toi. Ils viennent rire, donc ils sont avec toi. Ils veulent que tu sois drôle. Ils veulent que tu leur fasses passer un bon moment. Mais quand moi, heureusement, ça m'est arrivé. Il y a de plus de fois de prendre du plaisir que l'inverse, mais il y a eu des fois où je suis arrivé, je me suis dit ça va mal se passer. Et je pense que parce que je suis dans cet état d'esprit-là, en ouais, entrant sur scène, ouais, ça se passe mal. Je m'auto-court-circuite, exactement. Ouais. D'accord. Mais alors moi, j'ai ça, mais à partir de quelques blagues. C'est-à-dire que j'ai des blagues de début, tu vois, j'ai, on va dire, une petite intro qui fait à peu près 2 minutes. J'arrive en et tout, et puis j'ai les petites punchlines qui, tu vois, genre qui s'enchaînent. Si cette partie-là n'a pas marché, je sais que le spectacle ne va pas marcher. Et si au contraire, cette partie-là cartonne, tu vois, là, je sais que ça va être super. C'est un peu une espèce de thermomètre du spectacle, tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais. Moi, j'ai un truc, en fait, j'ai une petite intro. J'ai carrément une intro avant de rentrer en musique. J'ai une intro où c'est ma voix qui dit « Mesdames et messieurs, bonsoir, blablabla », tu vois. Et il y a 2-3 vannes dedans. Et si les vannes de l'intro passent et que j'entends que ça rigole généreusement, je sais que ça va être une soirée tonnerre, tu vois. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et mais... à l'inverse, si ça prend pas du tout, je sais que ça va être très dur. Ça peut arriver de les rattraper, mais c'est dur. Mais je suis d'accord. Et tu sais, moi, je fais souvent des comparaisons avec les matchs de foot parce que j'adore le foot. Et c'est pareil qu'un match de. Mais Stade Malherbe, ouais, c'est très très dur en ce moment. Mais, tu vois, c'est monter sur scène, faire jouer son spectacle, c'est à peu près, tu vois, entre 60 et 90 minutes, donc la durée d'un match de foot. Et comme dans un match de foot, c'est les 5 premières minutes les plus importantes. Tu dois rentrer dans ton match et être présent les 5 premières minutes. Et tu dois rentrer sur scène et choper les gens dans les 5 premières minutes. Si tu les as pas, tu peux les récupérer partiellement après, mais tu les auras jamais totalement. Alors que s'ils sont acquis à ta cause dans les 5 premières minutes, tu peux être sûr que tu vas dérouler pendant toute la durée de ton spectacle. Et ça, moi, j'en suis convaincu, je l'ai vérifié plein de fois. Oui, tu as totalement raison. C'est vrai que si tu mets de l'énergie à fond, en fait, ce que tu donnes, le public va te le rendre. Exactement, exactement. Ça, et si tu es en dilettante, et moi, ça m'est arrivé des fois d'être là, voilà, et ben, eux, ils sont pareils. Alors que si tu te donnes à fond, alors je parle si les gens qui nous écoutent, ça les intéresse, on parle pas forcément d'énergie à sauter partout, à transpirer. C'est ce que tu délivres, c'est la qualité de la manière dont tu vas délivrer la blague, de regarder les gens dans les yeux, de bien amener, de sentir de ce que tu dégages, c'est ça en fait. Bah en fait, de faire de ton mieux tout simplement. Exactement, ouais. Et ça peut être de ton mieux au moment où tu es fatigué, tu vois. Mais tant que de toute façon tu t'es donné à fond, tu peux rien te reprocher derrière. C'est ça. C'est ça, je suis totalement d'accord. Il faut absolument donner le meilleur de soi-même. Après, le public, il peut être avec toi dès le départ. Des fois, c'est un peu plus dur, mais toi, tu ne dois surtout pas perdre de l'énergie ni de l'entrain parce qu'après, ils te récupèrent un peu plus tard, tu vois. Eux, en fait, ils ont le droit de ne pas être là, si tu veux. C'est le public, mais toi, tu n'as pas le droit, en fait, d'être absent dans ce rendez-vous. Tu vois. Les gens, ils sont là, ils sont payés pour venir te voir. Toi, tu te dois d'être professionnel et de délivrer de la meilleure façon possible. Moi, j'ai vu trop d'humoristes qui étaient vraiment en mode presque irrespectueux, tu vois, la manière dont tu délivres tes blagues. Enfin, ça, j'ai jamais aimé. Moi, c'est vraiment, tu peux prendre des bides, mais tu peux pas les prendre parce que toi, t'as pas donné ce qu'il fallait sur scène. C'est toujours ce que je me dis. Ouais, c'est vrai. Bah, tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour pas avoir à te flageller ensuite, dire si j'avais fait ça, ça serait mieux passé, machin. Là, il vaut mieux vraiment se dire, j'ai mis toutes les chances de mon côté et bon, bah, l'alchimie n'a pas eu lieu. C'est pas grave, quoi. Oui, après, avec l'expérience. C'est quand même rare, hein. Quand t'as un spectacle bien rodé et que les blagues fonctionnent, si elles marchent quelque part, elles marchent ailleurs, tu vois, je veux dire, là tu vois, moi je suis parti sur un nouveau projet de spectacle où j'ai hâte de reprendre le rodage, mais sur le dernier, si tu veux, c'était tellement millimétré que je savais à quel moment ça allait rire, à quel moment ça allait applaudir, à quel moment ça allait faire « Oh !» tu vois, il y avait vraiment… J'étais arrivé, tu vois, au bout de 3 ans à le jouer très, très, très régulièrement, genre une ou deux fois par semaine, à être complètement au bout du truc. Et c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, hein, l'humour. Ça devient presque une partition, en fait. Ah oui, totalement, totalement. Après, je pense que dans ces cas-là, si jamais, parce que là, tu me rappelles une anecdote d'Olivia Moore, tu vois, Olivia Moore qui m'a raconté que son spectacle Mère Indigne, elle l'avait joué vraiment des centaines de fois et tout, donc il était millimétré exactement comme tu le décris. Et le truc, c'est qu'elle est partie le jouer dans un comité d'entreprise. Et une espèce de séminaire, tu vois. Et le problème, c'est que ça prenait pas et elle comprenait pas pourquoi. Et en fait, ça venait du fait que la personne qui organisait le spectacle était quelqu'un qui était détesté par tout le monde. Ah là là. Mais alors, tu sais que ça, c'est marrant que tu me racontes ça parce que j'ai vécu un truc à peu près pareil. Sauf que moi, c'était pour une école de commerce à Rouen. Ouais. Y a un mec, en fait, qui était venu me voir en spectacle à Rouen, très sympathique d'ailleurs, et qui avait vu le spectacle, il avait adoré, et il était en charge de cette soirée-là, parce qu'il était, je sais plus quoi, il avait une fonction de directeur à l'école, enfin bref. Et il demande à ma prod si je veux venir, tout ça. Je suis pas, allons-y, allons jouer. En plus, c'était bien payé. Et en fait, donc, c'était une scène centrale au milieu d'une salle des fêtes où les gens mangeaient autour, il y avait un buffet, tu vois, configuration bizarre, tu vois, en 360. Ouais. Oh là là. Et c'était en fait les gens rentraient, sortaient et l'alcool était en dehors en fait, si tu veux. T'avais une autre porte pour aller chercher des verres d'alcool. Donc comme c'était une soirée étudiante, autant te dire qu'ils faisaient souvent des allers-retours pour aller chercher de l'alcool. Tu vois. Et je devais jouer une heure et moi c'était mon spectacle qui parlait essentiellement des pompes funèbres. Oui. Et je commence à parler de moi, à faire mes blagues un peu noires, machin truc, bah, le spectacle quoi. Et là je vois une fille qui part, mais une étudiante qui part en pleurant, tu vois, en courant. Et je suis ok, d'accord, bon, je continue. Et j'en vois plein, tu vois, ça se vide petit à petit. Et j'ai appris. Et du coup, à la fin, il n'y avait quasiment plus personne qui m'écoutait. Du coup, au lieu de faire une heure, j'ai fait 32 minutes. Tu vois, j'ai vraiment rendu service à tout le monde. Et le gars, donc, qui m'avait fait venir, il était là. Et tu vois, je descends de scène, je suis pas content. Je suis, bah, c'est quoi le délire, enfin, c'est... Attends, ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi mauvais moment, quoi. Il fait, ouais. Ah, non, c'est de ma faute. En fait, la fille qui est partie. Son père, qui était très connu dans l'école, venait de mourir genre une semaine avant d'un accident de voiture. Et c'était la première fois qu'elle ressortait depuis que son père était mort. Et donc, elle vient, elle voit le spectacle, ça parle que de ça. Et du coup, elle a craqué et tout le monde est parti. Enfin, c'était atroce, quoi. Oh, c'était ben atroce. Ça, tu vois. Mais là, voilà, ben là, c'est typiquement la même chose qu'avec Olivia Moore. Ce que je veux dire, c'est que ouais. Le problème n'est pas du spectacle. Le problème vient de quelque chose d'extérieur sur lequel tu n'avais aucun pouvoir, tu vois. Oui, mais en fait, tu vois, moi, je fais toujours une différence. Entre tu peux pas tirer d'enseignement quand tu vas jouer, que ce soit un spectacle ou 5, 10, 15 minutes, dans un endroit où les gens sont un peu forcés d'être là, tu vois. Dans un comité d'entreprise, dans une fête, où on impose le spectacle aux gens, tu vois. Ils sont pas concentrés, ils ont pas envie. C'est pas la même démarche que d'aller voir, de payer un ticket pour aller voir un spectacle, tu vois. Où là, vraiment, tu peux te dire, bon bah voilà, les gens sont avec toi à la base, ils ont payé pour te voir. Si ça a pas marché... Là, tu peux en tirer des enseignements, te demander bah, pourquoi. Mais dans ces conditions-là, non. Tu vois, enfin, clairement, là, tu y vas, tu prends les sous et puis tu rentres chez toi en ayant fait de ton mieux. Quoi. Mais c'était horrible, Sofiane. Ah, horrible. J'imagine, ouais. Bah, de toute façon, tous les comités d'entreprise, tu vois, c'est un peu comme les chichas. On y va parce que c'est super bien payé. Quoi. On sait que ça va être galère, mais on sait que c'est trop bien payé. Et la plupart, tu vois, j'ai interviewé quelques humoristes québécois et... Ils m'ont tous parlé des corpos, tu vois, du coup ça s'appelle les corpos là-bas, tous parlé des corpos en me disant vraiment, voilà, on y va parce que c'est alimentaire, quoi, c'est des spectacles alimentaires pour eux, tu vois, c'est genre leur gros chiffre de l'année, ils viennent de là, quoi. Oui, non mais ça c'est vrai, hein. J'en ai parlé avec des humoristes qui sont très connus, je ne donnerai pas les noms parce que tu vois, ils ne veulent pas que ça se sache, mais qu'ils le font encore de temps en temps. Et t'es sûr de la facture à 5 chiffres. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, ça se refuse pas. Après, il y en a que j'ai fait, d'ailleurs très récemment, l'année dernière, avant le premier confinement. J'en avais fait un dans la concession Audi à Rouen. Ah. Bah, aussi à Rouen, tu vois. C'est vraiment le hasard que ça soit dans la même ville. Mais je m'étais éclaté, tu vois. Les gens avaient été invités, c'était des clients de Audi. Ils avaient été invités à prendre un pot et à voir le spectacle. Et franchement, tout le monde, enfin, je m'étais marré, tout le monde était rentré, c'était assis. Tu vois, il y avait eu un vrai respect de la chose, mais c'est rare, en général, c'est pas comme ça, mais je m'étais vraiment éclaté. J'avais pris un bon billet, et puis c'était en plus un super moment. Quoi. Mais la question, c'est est-ce que les gens étaient au courant qu'il y avait un spectacle ou pas ? Oui, je pense. Alors voilà. Je pense que ça... et c'est ça la différence, hein, je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand les gens ne savent pas qu'il y a un spectacle, que t'es annoncé comme une surprise, ce qui est à la base une très bonne intention, hein, tu vois, là malheureusement, on se retrouve dans le cas où, comme tu l'as dit, ils sont un peu forcés d'être là et ils sont pas concentrés. Oui, oui. Quand dès le départ ils annoncent soirée, spectacle, apéro dînatoire, je sais pas quoi, et ben là les gens vont se dire, on va y aller et on va voir le spectacle et ils se mettent en condition psychologique. Voilà, c'est comme si le corps avait une résistance, même si le rire est un réflexe. C'est comme si le corps avait une résistance en mode, j'avais pas prévu de rire. Du coup, ça va être très dur de me dérider, tu vois. Oui, et puis bon, après, alors, vraiment, le public étudiant, c'est le pire. C'est vraiment le pire, parce que eux, c'est un jeudi soir, clairement, faut pas se mentir, j'ai été étudiant, j'ai été comme ça. T'as envie de faire la fête. En fait, voilà, t'es pas le public attiré par ça. Moi, j'ai l'impression que le public, je sais pas ce que toi, tu as comme démographie dans tes spectacles et tout, mais j'ai l'impression que le bon public, ça va être le public des 25-45. Oui, je suis d'accord avec ça. Quoique j'ai des gens quand même tu vois, à la retraite qui viennent. Parce que moi, le précédent spectacle, il parlait quand même vachement de la fin de vie, tu vois. Eux, ça les faisait rire. Tu vois, il y avait des gens qui avaient du recul. Donc, ça pouvait étirer jusqu'à 60. Mais clairement, oui, moi, c'est les 25, 25, 40, 45 qui étaient dans ma cible prioritaire. Et même, je dirais, les 30, 45, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur le fait d'avoir une vie de famille, des trucs comme ça. Oui, mais en fait, moi, j'ai remarqué ça. Alors, bien évidemment, quand je dis c'est le bon public, ça ne veut pas dire que le reste est du mauvais public. Hein. Moi, j'ai joué devant des collégiens. Je pensais me rétamer totalement. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie. J'en profite pour les saluer. Et après, au niveau des spectacles, quand tu joues avec des seniors et tout, des fois, ça peut aussi très bien se passer. Mais je veux dire plutôt, tu vois, si tu regardes les statistiques, tu vois, je regarde moi les statistiques de mon podcast, les statistiques de mes vidéos, tout ça, la plupart, mon public, j'ai l'impression que c'est les 25-45, on va dire. Oui, moi, c'est pareil. C'est pareil. Mmh. Après, c'est peut-être parce que ce sont les gens qui sont le plus intéressés par la culture. Peut-être. Et puis, c'est peut-être aussi, tu sais, le podcast, c'est quand même destiné aussi un peu à cette tranche d'âge-là. C'est quand même rare, même si ça doit arriver, que des retraités de 60-65 ans écoutent des podcasts d'humour, tu vois. Et puis, bon, moi, je me dis toujours qu'on a le public auquel on ressemble. Et je crois que c'est ça. Toi, si tu vas dans les collèges, je pense que tu peux aussi taper dans cette fange de public un peu plus jeune aussi, tu vois. C'est intéressant pour toi. En fait, c'était un concours de circonstances. Je me suis retrouvé par hasard là-bas parce que c'était avec la MJC de Gourdon, dans le 46, dans le Lot, voilà. Et ils m'ont dit, finalement, tu vas jouer dans un internat et il n'y aura que des collégiens. Quasiment, j'avais vraiment allé 80% du public, c'était des collégiens. Mais vraiment, j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie et j'en profite pour saluer tous les spectateurs de Gourdon qui étaient là, ainsi que l'équipe de la MJC. C'était un bonheur de jouer devant eux. Et autant des fois, tu vas tomber sur des gens de ta démographie et ça peut aussi ne pas passer. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori, l'humour n'est pas une science exacte. Il faut accepter de jouer devant tous les publics. Ça, c'est vrai. Voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, on est gagnant. J'estime qu'en tant qu'humoriste, dans tous les cas, on est gagnant. Soit ça se passe bien et du coup, super, soit ça se passe mal et du coup, ça te fera une anecdote à raconter sur scène ou dans un podcast. Oui, c'est une façon très optimiste et positive de voir les choses. J'aime bien ça. Et toi, t'avais fait une tournée où dans chaque département, tu jouais ? Ouais, j'ai eu la chance en fait de faire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai fait la date à Gourdon. C'était ma tournée en fait que j'avais appelée le Procrastinatour parce que du coup je cherchais un nom, tu vois, et puis je me suis dit je ferai demain. Je lui dis du coup j'ai procrastiné, allez Procrastinatour, tu vois, voilà. Et donc je faisais une date par département en 2019. Cool. Ouais, c'était génial. Dans ton coin, je suis passé au El Camino. Ah oui, t'es venu chez nous. Ah, super. Oui, ça s'était bien passé. Tu sais quoi, je te jure, c'est pas parce que c'est toi, vraiment, c'était un spectacle pourri. Non, je déconne. Non, vraiment. Non, et je te jure, je dis pas ça parce que c'est toi, c'était un des plus beaux spectacles de la tournée. Et à la base, je te jure, j'ai le cœur serré en te disant ça. En fait, le principe de la tournée, je vais t'expliquer, le principe de la tournée, c'est que je faisais une date par département. Moi, je termine le spectacle en disant, je savais que je jouerais devant le meilleur public de France. Et j'ai fait une tournée en disant, donc la tournée s'appelait Procrastinatour, quel est le meilleur public de France? Donc, je faisais une date par département et à la fin, je sortais un sonomètre pour que les gens fassent du bruit. Et après, le département qui va gueuler le plus fort, c'est celui qui gagne, quoi, tu vois. Ok. Donc, c'est un peu ça va être mon… Je me suis mis ça comme direction. Ça va être la direction de toutes mes tournées. Je ferai toujours une date par département minimum avec un petit sonomètre à la fin pour un petit concours. Voilà. Donc, ça va être ma signature un peu de tournée. Et donc, grâce à Dieu, ça s'est super bien passé. Quand a tenu le record du mois de février au mois de décembre. C'est vrai. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tenu le record. Alors, je dis malheureusement, évidemment, les gagnants, je les félicite, mais c'était tellement génial d'avoir noué ce lien de « on a passé un super spectacle et en plus, vous avez battu le record et tout ». Et oui. J'ai gardé ça. J'ai joué genre le 22 février ou un truc comme ça et ça a duré jusqu'au 5 décembre ou un truc dans le genre. Tu vois, et qui c'est qui l'a battu, le record ? Toulon, c'est Cogolin exactement, le 83, le Var, tu vois, ils ont fait je crois 127,1. Et après ça a été rebattu derrière ou pas ? Non, c'est eux qui ont gagné la tournée. Voilà. Donc on et a c'est fini tellement... deuxième. Ah, mais deuxième, mais vraiment, je te jure, j'étais content pour Cogolin parce que bien sûr c'est le jeu, fallait respecter le évidemment, règlement. Évidemment. Mais franchement, tu sais, c'est comme si tout le long du championnat c'était ton équipe qui gagnait et le dernier jour ils se font battre quoi. On a perdu le titre. Mon Dieu. C'est ça. Mais t'inquiète pas, vous êtes numéro un dans mon cœur. Cogolin est numéro un dans les chiffres et vraiment, je les embrasse. C'était un plaisir. Mais dans mon cœur, vous avez été les gagnants de la tournée. Quelque part, vous avez, parce que Cogolin a battu le record, on va dire 15 jours avant la fin de la tournée, tu vois. Vous avez tenu le record pendant plusieurs mois, quoi. Donc, mais c'est vrai que le public canet que moi je connais très bien, et surtout celui du El Camino, est un public de connaisseurs, tu vois. Et moi j'adore jouer là-bas. Il me tarde vraiment que tout rouvre, et surtout cet endroit-là, pour que je puisse reprendre mes rodages, tu vois, mes petites soirées humour. Et je sais que les gens, ça leur manque, parce que moi, à chaque fois que je sors en ville, on m'en parle. Et c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. Et quand tu es, je sais pas si toi, tu es du côté de Bordeaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as un endroit comme ça où tu joues régulièrement à côté de chez toi, mais la pression n'est pas la même parce que tu as vraiment. Voilà, c'est le fait de jouer à domicile pour le coup. Ouais, tu te sens à la maison, c'est exactement ça. Complètement, complètement. Bah, nous, on a notre scène ouverte, le Gavet Style à Bordeaux, donc on a lancé il y a 7 ans. Quand je joue là-bas, je me sens à la maison. D'ailleurs, je ne joue jamais des textes tout neufs, sauf là-bas, tu vois. Ouais, bah oui, moi, c'est pas. Ouais, maintenant, il y a des endroits où je peux me permettre, où je tente. Mais Bordeaux, j'y suis allé quand moi à Bordeaux? J'ai jamais joué mon spectacle à Bordeaux. J'ai fait une première partie de Blanche au Fémina, où ça avait été un carton monumental. Fémina, c'est génial comme ça. Et il y avait Louis Siquet dans la salle. Waouh! Ah, c'était complètement fou. Et après, j'avais fait les Fous Rires de Bordeaux, mais le tremplin. Ah, d'accord, oui. Ok. Dans une plus petite salle, et donc j'ai oublié le nom, qui était à moitié sous. Il y avait plein de restaurants autour, mais c'était pas mal. J'adore Bordeaux, c'est une ville magnifique. Inox peut-être, ou je sais pas. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ok. Ok, d'accord. Ah oui, Bordeaux, vraiment, on a un bon public aussi ici. Hein, tu vois, le public de Caen est super généreux. Bordeaux, c'est très généreux aussi. Bordeaux, oui, j'avais adoré. Hein. Toulouse aussi, t'as joué un peu là-bas? Non, alors je devais faire la petite comédie de Toulouse, il me semble. Oui. Il me semble que c'est ça, mais j'y suis pas encore allé. Mais j'ai de la famille à Toulouse, du coup, j'aimerais beaucoup y aller. Hein. Ouais. Bah moi, j'y suis allé, j'ai joué à la petite comédie de Toulouse juste avant le second confinement. Et c'est génial aussi. On n'était pas beaucoup, tu vois, c'était une petite salle, c'est très intimiste et tout. Mmh. Mais franchement, un plaisir incommensurable. Ouais, bah j'ai vraiment envie. Normalement, il faut que je la recontacte, la dame qui gère ça, et mettre ça en place. Mais après, vois, c'est vrai que. J'ai un peu lâché le truc parce que comme tout est reporté, tu vois, j'ai tout mis de côté. Je me suis dit, on verra ça. En plus, là, je pense qu'on va passer dans un autoroute de report. Ça va être compliqué de voir caler des nouvelles dates. Ouais, et oui, bien sûr. Et oui, tout le monde, tous ceux qui étaient programmés à la base vont être prioritaires, quoi. Bah, bien sûr, ce qui est logique, ce qui est totalement logique. Et donc, mais non, mais j'espère faire ça très prochainement. Possible. En tout cas, pour revenir au fait de jouer à la maison et tout, El Camino, en plus, non seulement le public est sympa, mais l'équipe est géniale. J'en profite pour saluer l'équipe du El Camino. C'était vraiment, ils m'ont accueilli avec générosité, avec le sourire et tout. J'ai passé un des meilleurs moments et j'ai hâte que tout rouvre pour pouvoir revenir jouer dans le coin. Mais quand j'avais aimé. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai fait un super resto là-bas parce que je fais des vidéos aussi qui s'appellent des vlogs de gros. Lesquels je vais tester des restos et tout. Et j'ai testé un resto à Caen, c'est un des meilleurs pour moi. Il est dans mon. Alors, j'ai pas fait un top 3, genre, mais pour moi, il est dans les meilleurs qui m'ont marqué. C'est le resto La Fringale. Ça ne me dit rien, c'est de quel côté ça? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un coin où il y a que des restos. Ça commence par un V, je crois, si je dis pas. Ah, dans le Vogueux, peut-être. Vogueux, exactement. Vogueux. Ah, oui. Ah, il y a des bons restaurants par ici. C'est le vieux Caen, ça. Ouais. Moi, je te conseille La Fringale. La Fringale, j'ai kiffé. Oh, c'était trop bon. Ils m'ont servi, tu vois, des ravioles à la crème d'Isigny et tout. Gratiné. Truc bien léger, quoi. Oui, mais écoute, vlog de gros. Hein, ah oui, moment, oui. Ceci dit, ça a du sens, ça a du sens. Bon, en tout cas, non, c'est quand j'ai vraiment beaucoup aimé, le public était sympa, le lieu était génial. En plus, ils ont battu le record et puis c'était super à ce moment-là de partager avec eux. Je te jure, je suis reparti. Tu sais, c'est des moments. T'as dû ressentir ça aussi. C'est des moments où le public t'a tellement transporté. C'est même pas toi qui les a transportés, c'est eux qui t'ont transporté, tu vois. Ben, tu vois, tu te sens tellement transporté qu'à la fin, t'as envie de leur dire, venez, on habite ensemble. Un peu, ouais. Puis c'est une soirée où tu pars avec un petit pincement au cœur parce que c'est fini. Ouais, c'est vrai. Et à l'inverse... À l'inverse, il y a des spectacles où tu regardes ta montre, où genre tu connais l'agencement de ton spectacle. Ouais, et quand tu arrives dans le dernier quart du spectacle, il y a deux solutions. Soit tu te dis, punaise, je suis content d'en avoir terminé, il reste plus qu'un sketch, tu vois. Soit tu te dis, oh non, c'est déjà fini, tu vois. Et franchement, voilà, c'est pour ça qu'on continue à faire ce métier, parce que de temps en temps, il y a des moments de magie comme ça. Ouais. Mais oh, ça fait tellement mal quand tu es obligé de partir. Et à l'inverse, ça fait tellement de bien quand tu t'es planté toute la soirée, tu sais qu'il te reste que 10 minutes. Oui, mais alors t'es content quand tu sors de scène, mais après, le reste de ta soirée, enfin moi je sais que je le vis pas bien. Donc, de toute façon, c'est clair que tu vas pas être fier de toi. Et puis, t'attends qu'une chose dans ces moments-là, c'est de prendre ta revanche. Ouais, mais moi, tu sais ce que j'ai. C'est Dedo qui m'avait dit ça. Mm-hmm. Mais expliquer ça, c'est un conseil que je m'applique encore maintenant et qui m'a bien aidé à l'époque, genre il y a 3-4 ans. Il m'a dit que tu cartonnes ou que tu bides, le lendemain à 10h, t'es passé à autre chose. Et tu vois, c'est tout bête. Ah. Mais depuis que je m'astreins à cette règle-là, ça m'a facilité. Voilà. Donc si je cartonne, tu vois, j'en profite bien le soir parce que je suis content. Et puis le lendemain, je passe à autre chose. Et si ça ne va pas, le soir, c'est très compliqué. Je rumine et tout. Mais le lendemain, je suis aussi passé à autre chose. Et ça, c'est vraiment une doctrine que je m'applique et qui m'a vraiment changé mon approche de la scène. Ah il a totalement raison, hein, oui. Et on en profite pour le saluer. Bon, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Harold pour ces belles anecdotes. Moi. Ah, franchement, c'était cool de t'avoir dans le podcast. Et justement, j'invite tout le monde à écouter ton podcast à toi qui s'appelle Le Pauvre Cast. Ouais, voilà. Le Pauvre Cast. Ouais. Il y a le point du lundi matin, tous les lundis matins. Et puis, il y a d'autres épisodes annexes. Donc voilà, il faut juste taper Le Pauvre Cast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou même YouTube. Et donc voilà, et puis les grosses têtes aussi, hein, si les gens veulent écouter les grosses têtes, ils peuvent écouter quand j'y suis. Au moment où on enregistre, tu sors de l'enregistrement de deux émissions. Ouais, j'en ai fait deux. Ça se trouve, j'en aurais jamais refait fin juin, début juillet, ce que je me souhaite pas. Mais si j'en ai pas refait, j'en aurais fait au moins deux et ça se sera très bien passé. C'est tout ce que je retiendrai. On te souhaite tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'y retourner avec grand plaisir. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on te retrouve sur Facebook, tout Facebook, ça. Instagram et puis ma chaîne YouTube. D'accord, Twitter, non? Non, j'ai quitté Twitter et je m'en porte vraiment très bien. pas de souci. Merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etahi, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.